toi tu mets en stéréo là, reste en mono. Si ça marche pas en mono, ça marchera pas en stéréo. Hein. Je te dis pourquoi tu as mis en stéréo. En fait, t'as pas besoin de mettre en stéréo, reste en mono. Il est pourri le micro là.